qui se reflète de la rue. Mafia 9-1-9 au mic. La ici qui sert. Mets-toi bien, ouais. Dis-moi bien, ouais. File-toi un, moins. Primo sur la cordage, l'odeur du bitume, c'est ma senteur. Ghetto superstar, élevé au coup de ceinture. Les temps sont durs, jeunesse qui a besoin d'air. Check mon capsule, l'état sous la bière, on décapsule. Génération biatch, tous les soirs c'est leur mid-noce. Si pour l'état, je suis un chien, bien je mon os. Bientôt je me nacha, pour bronzer mon crâne chaud. Pas le choix, mon pote, si t'es une poutre, faut que je t'achève. Quête mon style à l'œuvre, prends le tien en l'œuvre. Crache ton sang dans les vies, avant un stick mon levier. Apprécie mon level, reconnais le vrai. Je suis pas ton refrain, je vais te balafrer. Je réserve une balle au frais, à tous ces tarbas. Viens dans notre balafre, je jure c'est sympa. Je suis pas riche moi, non, je mène une bitch. Maintenant faut que j'avance car je suis qu'à mi-chemin. Pas le temps de me promener, la sauce me pend au nez. Qui sert DLR, maintenant tu connais. J'fuck les pinceaux, 100 000 je survis. En mode survie poteau, j'm'emmène les pinceaux. J'mène une vie confuse, jamais mes j'fis gonfle. À sauce de casso, j'peux finir sans SO. Qui ouais. Se reflète la rue, ah. La fin de gâteau, Mike ouais, ouais. La rue, on est ici, on est la ici. Merde. DLR man, dans ta face ça va faire mal. Illégal comme notre rap et notre germa. J'tire mon chapeau pour les mecs qui triment pour 1000 euros. Et qui sont contents de mon bled, d'en rendre putain heureux. Dès que j'tape le beat, j'te sens malheureux. Au bout de cette rime, gif marine, fais couler la marine. Le mal arrive, on t'étonne pas, tu pisses de la narine. Neurone en panne, tu suis pas le beat, posé, on en reparle. Le rôle du bar, c'est pas ta place alors départ. J'te laisse en longueur d'avance pour que tu suives pas, tu parraines. À ce qui paraît que t'as signé un gros contrat, mais j'parie que t'étais contraint. Mais c'est ton grand tout contraint. Allonge, longe, jumeau, bel écart, toi, longe, longe les murs. Ça t'inquiète à toi, donc t'amuses. Va à chercher la petite bête où tu te montrerais une grosse bite, une grosse barre dans ta face, MC. Qui se reflète la rue, la fin de gâteau, Mike. La rue, on est ici, on est la merde. Le beat sec, sans pic sec, y'a pas de bicep. De grand sec, un petit mec qui te baisse comme les bodies. NL bicep sur mixtape, rap illégal. Cicatrice anale, de villa vitale. Pour le jumeau, ou bicep, c'est vital. Et pas vite elle. J'ai la soif d'argent, mais ta célébrité, j'ai pas envie d'elle. Laisse pas mon froc pour Skyrock, exploite l'audimat. Pour que ça rapporte, en prévision de l'autoprod. Y'aura une part pour mes blocs. Pour ça qu'on qui sert et ses potes. Y'a pas d'hasard, si la voix de la rue monte au top. Et cop de perpète solitaire, si tu fais pas croc. Qui sert DLR, l'émissaire dans ce putain chip. Pop roté sur un beat quasi OP. C'est Frank Long Beach, je fais un West comme Cassiope. Côté, une équipe on garde pas de côté. Bellec à tes côtés, ton ghetto décollé, on va le décoter. Comme dit qui sert à pile légal, c'est que des deux sous tapes. Donc prépare-toi à avoir une bombe cachée dans ton mic. C'est 9 à 9, 4 types de kit braque. Calibre en impact qui sert avec tag. Des mafias qui décapent. Comme il faut, opérationnel. Ok, mafia, on se capte. La prochaine, ici la famille.